avec vous jusqu'à 21h30. Michel Marcoux au microphone et Jean-Philippe Boisbriand, comme d'habitude, fait tout le reste, dont le choix musical. Aujourd'hui, une émission, voilà, éclectique. Éclectique, oui, disons-le. Ça commence avec du Jawable, puis on va avoir du Fontana Mix. Il y a un bloc même qui commence par Stella, puis finit par Moebius and Plank. Alors, vous voyez un petit peu le genre. Et à la fin, on a des Lounge Lizards. Ouais, ça se tient, tout ça, avec du Raymond Scott. C'est parfait, on y va. Oui, les échangeurs d'air avec vous jusqu'à 21h30. On commençait comme ça avec Jawable qui nous faisait Invaders of the Heart sur Jawable's Bedroom Album, son deuxième album de 1983. Jawable qui a collaboré, j'ai connu pour avoir collaboré avec Peel Public Image Limited au début, fin 78-79 jusqu'en 80. Puis il a quitté le groupe parce que il paraît que c'était chaotique. C'est bizarre pourtant, il y avait des gens très équilibrés là-dedans. Et oui, alors c'était chaotique quand même. Puis il a fait beaucoup de choses, il a collaboré avec bien d'autres mondes, Brian Eno, Bill Laswell, Gerd Zucay, etc. etc. Ensuite, on est passé à... Ouais, voilà. Fontana Mix de Noise Spiral, excusez, de 84. La pièce de Great Curtain Comes Down. Groupe qui s'est formé, en fait, de. À un moment donné, je cherchais un bassiste pour le groupe Fontana Mix. Puis une seule personne qui est passée. Alors, c'était Neil Robinson. Puis il a continué à travailler avec Michael Atavar. Pendant une bonne trentaine d'années. Finalement, ils ont fait plein de trucs ensemble. Ils ont essayé de faire des hits. Vous savez, c'est un petit peu pop, pop New Wave années 80. Puis ils disent avoir su qu'on ne ferait pas de hits, finalement, on aurait pu tout simplement, simplement faire des longues impro. Et nous avons terminé avec, oui, il revient ici, Tranen Invasion. Tranen Invasion, la pièce sentimentale, un 45 tours de 1980. Les conquistadors, mais moi je t'adore pas. Tu aimes les toréadors, tu as tort et à tort. Tu aimes les toréadors, les conquistadors, mais moi je t'adore pas. Oh machine, ça fait du tort. Oh machine, la tort. Oh machine, oh machine. Les conquistadors, mais moi je t'adore pas. Tu es le taureau, ça fait du tort au taureau. Tu es le taureau. Ça fait du taureau, taureau. Le taureau, ça fait du taureau, taureau. Les conquistadors, mais moi je t'adore pas. Sono Les échangeurs d'air se continuaient comme ça. D'abord avec Stella, l'album Poète Poète, évidemment une fois avec un T, l'autre fois avec deux T-E, Les Dunes et les Dicks. C'était de 1978. Stella, qui est un des groupes que j'ai vu le plus souvent en spectacle. Puis on en entend de moins en moins parler, évidemment, alors ça vaut la peine de rappeler qu'ils sont belges. Voilà. Et ensuite, nous sommes passés à 39 Clocks. Leur deuxième album qui s'appelle Subnarcotic, En attendant Godot, Aspettando Godot. Je suis allé voir la traduction. Et Aspettando, ça veut dire s'attendre à. Deux garçons de Hanovre qui se sont rencontrés au milieu des années 60 et se sont rendus compte qu'ils avaient des goûts communs. Puis au moment où il y avait plein de punk puis de trucs comme ça, eux trippaient plutôt sur le dadaïsme, puis Velvet Underground, puis des choses comme ça. Alors, ils n'étaient pas tout à fait dans leur époque. Puis ils chantaient, ils livraient la marchandise de façon un peu comme... j'allais dire... il faudrait bien que je trouve un terme qui veut dire qu'ils avaient l'air à s'en foutre. Alors qu'en fait, ils s'en foutaient pas, puis ils mettaient bien d'énergie à faire leur truc. Ensuite, Moebius et Planck, sur Material, la pièce Sosmo Fantor. C'est un extrait que nous a choisi Jean-Philippe. Moebius et Planck, ben là, on parle de deux vedettes du krautrock allemand, Dieter Moebius et Cody Planck. Les deux ont travaillé avec un paquet de monde. Puis ont été, surtout Cody Planck qui est décédé assez jeune, en 1987. Aussi, lui, c'était comme l'ingénieur du son. ultime pour un paquet de groupes allemands de krautrock et de musique électronique. Puis ils ont travaillé, ils sont appelés Cluster avec un K, Cluster avec un C. Ils ont fait Moebius and Planck. Puis cet album, c'est un album qui s'appelle, un de mes titres préférés s'appelait Rastakraut Pasta. Thank you. Thank you. Les échangeurs d'air, ça continue avec Son Ara qui nous faisait sur The Inner Treaty de 2018 la pièce Grip, qui était fort plaisante d'ailleurs. Son Ara, il s'appelle Cameron Stallones. Son nom signifie en fait Ara en catalogue, ça veut dire soleil ou jour. Alors il s'appelle Son Son ou Sunday, dépendant de comment on le voit. C'est un type qui vient de Austin au Texas et qui est maintenant Long Beach en Californie. Puis qui est actif depuis un petit bout de temps quand même, on en a mis quelques fois. C'est difficile en fait de décrire sa musique. Il y a quelqu'un qui dit « Pulsing trot rock influence retro futuristic lo-fi ». Peut-être. Peut-être que oui. Flavien Berger nous faisait sur De la Friche de 2021 son dernier album, la pièce « Chaudeville 1 et 2 ». Flavien Berger, c'est un chanteur français qui est né en 86 à Paris, puis qui mêle électro et psychédélisme, mais qui a découvert à faire de la musique avec sa PlayStation 2, avec le truc musique 2000 que je devrais m'acheter peut-être. Il s'est amusé beaucoup dans la vie avec un collectif qui s'appelait SIN, qui s'est installé à Bruxelles. Il a produit quand même pas mal de trucs c'est ça, pour ce collectif-là. Et c'est lui qui faisait les bandes pour des installations puis tout ça. Et on a continué avec P-Model qui nous faisait la pièce Ohio sur Land Sale de 1980. Des groupes japonais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ils font beaucoup de musique. Ce groupe-là était mené par Suzumu Hirasawa de 79 à 2000. C'est le seul membre permanent du groupe qui est resté tout au long de l'aventure. Ensuite, il a repris le travail en solo sous le nom de Kaku P-Model. C'est un style qu'on peut appeler New Wave, expérimental techno-pop. OK, on va y aller comme ça. Puis ensuite, on s'en va de quel côté? On s'en va vers Jonathan Fitoussi. is turning an impolite child, and I can't take care of it all. Yawn at the man who's delighted by snow, who collects it in jars that are stored in the freezer, labeled by year and fearing a blackout. It's time to go nowhere in an overstuffed chair, wearing a dunce cap and waiting for wisdom to hit this winter. Chews up my life, paralyzes my father, makes things so idle. Qu'on a entendu d'abord Jonathan Fitoussi et Clément Ourrière sur l'album Five Steps de 2015, la pièce La Colline. Les deux acolytes aiment beaucoup jouer du Bukla 200, un des premiers synthétiseurs, comme on dit, premier synthétiseur modulaire, voilà, modulaire, qui vient des années 70, puis nous, ils s'amusent avec ça et d'autres instruments pour nous livrer leur petit truc. The Surfman sur la Exotica volume 1, une compilation dans le 30 Original Lounge Classics, la pièce Fire Goddess. C'est un genre de super groupe de Surfman avec des musiciens de studio vraiment très très reconnus, dont un monsieur qui s'appelle Mr. Bongo, Jack Mr. Bongo Constanzo, Alvin O'Reilly et bien d'autres personnes. Nous sommes passés ensuite à Algebra Suicide de Secret Live Crazy, la pièce Citadel Zombies de 1987. C'est beaucoup dû à une dame qui s'appelle Lydia Tomkiw. Tomkiw, je ne sais pas comment le prononcer, T-O-M-K-I-W-Q. Tomkiw, ah voilà, Tomkiw, me dit Jean-Philippe. C'est ça, puis elle a travaillé beaucoup avec son mari Don Edeker. Puis nous avons poursuivi ensuite avec Fall of Sagan de 1983, un groupe dans lequel la pièce s'appelait Vision, un groupe dans lequel il y a entre autres Pascal Comlad, et c'est un groupe qui a été en fait ils se sont rencontrés à un concert à Montpellier, puis ont décidé de faire des trucs ensemble. Alors il y avait Florence Berton, Pascal Comlad, Thierry Den. Ils se sont rencontrés en 83, puis ils se sont inspirés d'une chanson du groupe This Heat. Ça fait longtemps qu'on a mis quelque chose de This Heat ici, à moins que Jean-Philippe en ait mis sans que je m'en rende compte. On ne sait jamais. Et là, il va nous rester deux petits blocs, et le prochain commence avec Raymond Scott, et il y aura du Félix Cobin aussi. Spaceman knows you just gotta have Hostess Twinkies along. Even space girls know it. You get a big delight in every bite. Delicious Hostess cream-filled Twinkies taste out of this world. With luscious creamy white filling inside, soft golden sponge cake outside. You get a big delight in every bite. Yep, smart spacemen always have plenty of good taste in Twinkies along. Wherever they go, Hostess Twinkies. versteckt. Du Hurensohn der Tradition. Wir sind nicht blind, sind nicht blind. Unser Engel bist du heut. Und wir schwärzen deinen Bauch. Scharfe Schere in der Hand. Unsere Schwester schläft im Moor. Schreie gellen uns im Ohr. Moral, wir verachten dich. Heute in dem roten Schuh. Uns entgleitest du ja nicht. Deine Qual ist unsere Lust. Auf dem schwarzen Kanal. Auf dem schwarzen Kanal. après ça, il va nous rester un petit bloc. D'abord, nous avons entendu Raymond Scott, Manhattan Research. C'est une compilation où est-ce qu'on entend des vieilles pubs. Et celle-là, c'était Hostess Twinkies. Raymond Scott, c'est une aventure passionnante. Il a commencé très jeune. Sa première pièce à 15 ans s'appelait Portrait of a Cow. Puis il a continué à composer sur son lit d'hôpital jusqu'en 1994 avec un ordinateur à ce moment-là. C'est un pionnier de la musique électronique qui a inventé un paquet de trucs. Probablement le plus proche de ce qu'on peut trouver comme génie. Et ensuite, on est passé à Zombie Zombie qui nous faisait Rituel d'un nouveau monde, la pièce Rocket No. 9 d'une pièce de Sonora et qui venait de Vénus, hein, on le sait. Zombie Zombie, c'est Étienne Jaumet, saxophoniste de Meridian Monk et Cosmic Neyman, le batteur d'Herman Dune. Ce seront deux Français. Sur Versatile Records. Et on est passé ensuite à Félix Cobin qui nous faisait sur Film Music de 1998 la pièce Morgan Roth. Félix Cobin de son vrai nom, Félix Knott, c'est un hambourgeois, voilà, musicien électronique, composateur. Puis un artiste de la radio, dit-on, et sa compagnie s'appelle Gagarin Records. Puis on en a mis souvent l'émission. C'est un habitué de l'émission. Puis c'est un autre qui est actif depuis longtemps, depuis 1981. Et on a terminé avec... voilà, reviens ici, toi. Parfait, voilà. Konrad Schnitzler qui nous faisait Auf der Schwarzen Kanal. All the donuts have names that sound like prostitutes. And the moon's teeth marks are on the sky like a tarp thrown all over this. And the broken umbrellas like dead birds. And the steam comes out of the grill like the whole goddamn town's ready to blow. And the bricks are all scarred with jailhouse tattoos. And everyone is behaving like dogs. And horses are coming down Violin Road. Ditches dead on his feet. And all the rooms, they smell like diesel. And you take on the dreams of the ones who've slept there. And I'm lost in the window. And I hide in the stairway. And I hang in the curtain. And I sleep in your hat. And no one brings anything small into a bar around here. They all start out with bad directions. And the girl behind the counter has a tattooed tear. One for every year he's away, she said. Such a crumbling beauty. There's nothing wrong with her. $100 won't fix. She has that razor sadness that only gets worse with the clang and the thunder of the Southern Pacific going by. And the clock ticks out like a dripping faucet until you're full of rag water, bitters, and blue ruin. And you spill out over the side to anyone who will listen. I've seen it all. All through the yellow windows on the evening train. I dance with a zombie. Ben, ça se terminait comme ça, les échangeurs d'air, avec The Lounge Lizards, sur The Lounge Lizards de 81, Do the Wrong Thing, avec John Lurie au saxophone. J'aime John Lurie au saxophone. Ça sonne bien. Puis la basse de Steve Piccolo, puis la batterie de Anton Fear à l'époque. C'est ça, c'est vraiment ça sonne bien, puis avec Arthur Lindsay qui fait des quick à la guitare comme ça. James White nous faisait I Dance with a Zombie sur Flaming Demonics de 83. Lui aussi c'est du joli saxophone. C'est un type qui a fait lui aussi beaucoup de choses dans sa vie, dont changer de nom pour s'appeler Wright ou Chance. James Chance parfois, puis c'est ça, un plus calme, un peu plus élevé un petit peu, mais toujours avec du saxophone et de la voix. Et le bloc avait commencé avec Tom Waits sur Rain Dogs, peut-être son album le plus connu, Nine Chiefs and a Pen. Tom Waits, ben ça serait bête de presque présenter parce qu'il y a trop de choses à dire. Une chose est sûre, c'est que c'est amusant de voir sa photo jeune sur Wikipédia. Il a l'air tellement sage. C'est ça, on voit, il a l'air d'un All-American Boy, là, comme ça. Puis, un de ces trucs, si vous allez lire sur lui pour voir sa relation à la publicité et voir comment il traite les gens qui ont décidé d'utiliser ses pièces sans son consentement. C'est assez amusant. Alors, c'est tout pour nous. Michel Marcoux était au micro et Jean-Philippe Boisbriand faisait tout le reste.